Chapitre 9e. Mened Biurg veillait. La confiance du comte en Salviati, confiance presque coupable à force d'être ingénu, et son imprudence inouïe à exposer la coupe du doge au plus banal des accidents, avaient empêché Ned Biurg de rien révéler au père de Bianca de sa conviction au sujet de la trame qui s'est étourdie dans l'ombre. Mais d'autre part, le mobile lui échappait, auquel Daniello avait bien pu obéir, pour ne pas avoir provoqué de façon ou d'autre, dans le cabinet même de son parent et en sa présence, l'accident qui eût pu paraître dû à un hasard malheureux. Toute cette histoire d'un brillant morceau, composé par le musicien en l'honneur de sa jeune parente, et qui serait exécuté au jour de la fête, lui paraissait bien extraordinaire, malgré que fort acceptable. Le son argentin de ces notes harmonieuses qu'il voulait rappeler dans sa cavatine, en en faisant le motif principal, était après tout chose très plausible par elle-même. Une pensée poétique qui ne pouvait naître que dans l'esprit d'un artiste. Et pourtant, le policier avait la secrète intuition que le nœud de l'infernale machination découverte par Farrell et lui résidait en cette troublante cavatine. Plus que jamais maintenant, il jugeait sa présence et celle de son jeune ami comme indispensable au soir de la fête, car il ne serait certes pas trop de deux pour surveiller de près Daniello Salviati. Sans aborder toutefois ce sujet brûlant avec le comte, d'accord avec lui, il fut décidé que les deux fins limiers auraient accès à la fête, assumant le rôle d'extra, spécialement engagé pour faciliter le service du personnel. La fête battait son plein dans les salons brillamment illuminés et décorés avec un goût exquis. La foule des invités était des plus nombreuses, et au son d'une musique entraînante, les couples enlacés se livraient bruyamment au plaisir de la danse. Bien en vue de tous, la superbe coupe du doge, qu'on n'ignorait point être une relique de la famille Marina da San Gallo, se trouvait dressée sur une stèle de marbre auprès de laquelle se tenaient en permanence deux domestiques revêtus de l'habit noir des maîtres d'hôtel. Précaution qui semblait toute naturelle pour éviter au couple étourdi par la danse quelque accident toujours possible. Mais les hôtes du comte étaient loin de soupçonner des policiers habiles dans ces deux valets admirablement stylés. Dissimulés par un rideau de grandes plantes exotiques, l'orchestre se trouvait groupé non loin de la stèle. On savait de toutes parts que le clou de la soirée consistait dans l'exécution de la fameuse cavatine de Salviati et que le compositeur tenait à l'honneur de diriger lui-même ses musiciens. Le silence maintenant s'était fait dans la salle, un silence religieux pour ainsi dire, quand on vit la haute stature du maestro se dresser, surgit des grandes plantes vertes. Droit au pupitre de chef d'orchestre, le visage illuminé d'inspiration, Daniello eut un dernier coup d'œil de droite et de gauche sur les exécutants, puis, d'un geste de sa main gantée de blanc qui battait la mesure, il attaqua le grand morceau. Deux fauteuils avaient été avancés, où le comte et sa fille avaient pris place, et de tous côtés, les yeux se dirigeaient vers la ravissante Bianca, plus jolie que jamais, bien qu'animée d'un trouble aisément attribuable à l'énervement de la fête. Quelqu'un qui eut à ce moment porté ses regards du côté des deux valets, garde d'honneur de la coupe du doge, eût été surpris de voir l'un d'eux, le plus âgé, prêter une oreille attentive à la musique en donnant des signes visibles d'impatience. Ned Biurg, car c'était lui, profitant de l'attention des invités toutes fixées sur Daniello Salviati, s'était rapproché de Farrell et venait de lui glisser ses mots à l'oreille. Remarquez bien, mon cher ami, avec quelle insistance, dans ce morceau, la note dominante se répète souvent. L'entendez-vous résonner, presque discordante, alors que tous les instruments jouent ensemble à l'unisson? Quel bizarre effet! Il n'eut pas le temps d'achever. Brutalement, sans aucun avertissement préalable, on entendit un fracas de verres brisés, suivi d'un atroce cri de femme. L'orchestre s'était subitement arrêté, et parmi les invités, ce fut un indescriptible brouhaha. La coupe de verre de Venise gisait sur la stèle maintenant, broyée en menus morceaux dont quelques-uns avaient glissé jusqu'à terre. On s'empressait autour de Mademoiselle da San Gallo, qui, prise tout d'abord d'une crise nerveuse, venait de s'évanouir dans les bras de son père affolé. « Bianca » balbutia-t-il avec une douleur qui faisait peine à voir. « Bianca, ma pauvre enfant, morte, morte en ce jour maudit !» Il n'en était rien, fort heureusement. Le comte put bientôt s'en rendre compte, et voyant sa fille reprendre graduellement ses sens, grâce aux soins énergiques qu'on lui prodiguait. La prenant dans ses bras, il l'avait portée dans un petit salon voisin, et revenait un peu tranquillisé auprès de ses hôtes qu'il voulait rassurer, quand le plus stupéfiant spectacle se présenta à ses yeux. Daniello Salviati, les vêtements en désordre, le visage bouleversé, les traits hagards, hurlant, jurant, sacrant, se démenait comme un démon entre les mains de Björk et de Farrell qui le maintenaient prisonnier. Paolo da Sangallo, à qui cette scène semblait invraisemblable, s'élançait déjà, exigeant des explications, mais l'Américain l'interrompit aussitôt. « Ah, monsieur le comte » s'écria-t-il en maîtrisant à grand-peine sa colère. « Je vous avais bien dit que je découvrirais le mot de l'énigme et démasquerais le vrai coupable. Tenez, le voilà. C'est votre parent, ce Daniello Salviati, qui un peu plus devenait l'assassin de mademoiselle Bianca. Savez-vous ce qu'il a fait, ce bandit ? Je vais vous l'expliquer en quelques mots. » Musicien fort habile, notre artiste a eu la géniale idée, géniale dans le crime, de savoir répéter au cours de sa cavatine une note dominante sur plusieurs mesures, de la répéter avec une crispante insistance, tandis que tous les instruments jouaient à l'unisson. Or cette note, par une coïncidence voulue, concorde avec la note qui dominait dans les vibrations qu'au moindre toucher rendait le cristal de la coupe. Par suite, cette note isolée, au milieu des phrases musicales de la cavatine, devait infailliblement causer le bruit de la coupe, grâce à la rencontre fortuite de ces deux mêmes dominantes. C'est ce qui est arrivé. Un simple accident, vous le voyez, ou qui pouvait paraître tel aux yeux de ceux qui ne savaient pas. Mais un accident qui pouvait devenir fatal à mademoiselle Bianca, dont le musicien avait suadroitement amené la nervosité en son point culminant. La malheureuse n'aurait vu là qu'un coup du destin. Ne se croyait-elle pas poursuivie par une implacable fatalité ? La prédiction fameuse serait ainsi réalisée, impressionnant comme de juste tous ceux qui en connaissaient l'existence. Victime de la fatalité, quelle odieuse et criminelle plaisanterie ! Fort heureusement, la robuste santé de mademoiselle Bianca lui a épargné de mourir des suites de ce choc terrible. Elle est sauvée maintenant et l'héritage de sa tante Andrea Marini da Sangallo échappe par un véritable miracle à ce bandit de haut vol contre qui malheureusement la justice ne peut rien. Voyons son coup manqué, puisque votre fille, monsieur le comte, n'avait pas succombé sur le champ à une embolie ou à la rupture d'un anévrisme. Daniello Salviati, craignant d'être découvert, prenait déjà la fuite quand nous lui avons mis la main au collet. Nous avons accompli notre tâche, mon ami Farrell et moi. Faites de cet homme ce que vous voulez. Pour ce crime avorté, la justice est désarmée. Les yeux exorbités, Paolo da Sangallo, ivre de fureur, avait peine à se contenir. Parvenant pourtant à se dompter, il s'écria d'une voix frémissante d'indignation, « Björk, je vous prie, faites chasser ce misérable par mes gens, car s'il reste un instant de plus ici, je ne réponds pas de moi. » Et la main des deux policiers au collet, solidement maintenue aussi au poignet, Daniello Salviati passa comme un vulgaire malfaiteur entre les invités, qui s'écartait avec horreur sur son passage. Ainsi s'achève La note fatale par H.R. Bustine.